La direction d'édition des timbres d'État a fait paraître une vignette et un timbre individuel à l'occasion du 16 février.